Sniff. Ok. C'est pas grave. En tout cas, merci à vous sept d'être toujours là plutôt que d'être allé vous baigner ou profiter de vos amis. Et on peut toujours nous écouter ou nous réécouter en archive sur le site du festival. Et voilà, on annonce 7 personnes qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en aurait plus en même au temps, moment des rediffs. En parlant de 7, oui, moi, 7. Ça me donne envie de parler de la bof nouvelle. Vous avez vu cette transition ou pas? Oh, vous vous souvenez, je m'appelle. Oui. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai. Ouais, tu vois, j'ai 7. J'ai 7. Oh, j'adore. Ouh. Je nous aime. Alors, attends. Ah bah. Le G7, ça vous parle? Ok, parce bien que c'est sûr. La bof nouvelle du jour. C'est donc bon, à part... Qu'est-ce que c'est le G7? Qu'est-ce que c'est le G7? Ben, le G7, c'est cette petite réunion qui a lieu tous les ans et qui rassemble 7 gouvernements des pays les plus riches du monde pour parler économie et géopolitique. Ben, en général, ce sont des pays blancs. Haha, trop bizarre, hein? On parle entre riches, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai noté surtout qu'il y allait avoir Trump, Macron et Giorgia Meloni, entre autres. Après, on a aussi le Canada, les UK, je sais plus. Putain, je sais plus, j'ai pas bossé mon sujet. J'avais pas inclus la question dedans. Non, mais c'est bon, on en a 5 sur 7. C'est déjà pas mal, non? Oui. Et puis il y a des rumeurs comme quoi ils auraient invité l'Afrique du Sud et puis finalement comme Trump était pas content, et ben en fait l'invitation a été déclinée et puis Macron s'est dit "Oh, on va plutôt inviter le Kenya." Ah. Voilà. Et donc le sommet du G7 se tiendra à Évian. Donc Évian, c'est tout près d'ici, hein, c'est pratique. Et ce sera du 15 au 17 juin, ok? Fun fact, à la base, ça devait se tenir du 14 au 16 juin. Et en fait, ça a été décalé de un jour parce que le 14 juin, c'est l'anniversaire de Donald. Arrête. Et oui, et il a demandé ça à décaler. Bah oui, okay. Bah en même temps, t'as pas envie de passer ton anniversaire avec Macron, non? Bah, il voulait surtout pas le fêter à Évian, et ça, je comprends pas. Mais du coup, bon, qu'est-ce déjà qui se allé à passe Évian, peut-être. Parce qu'il se passe quand même quelque chose à cette date-là, parce que les droitos, là... Bah oui. Mais bon, qu'est-ce qu'ils font les gauchos? Qu'est-ce qu'ils font les gauchos? Ben justement, on avait plein d'idées de cadeaux, et puis on sait qu'à cet âge-là, on peut donner les cadeaux plus tard, n'est-ce pas? Donc en fait, on va s'organiser, donc il y a un mouvement qui s'est créé, comme d'habitude à chaque G7, hein, il y a le contre-G7, qui s'appelle donc là le no-G7, d'où l'intitulé de cette bof nouvelle qui s'appelle en fait G7, or note G7. Et le no-G7 aura lieu du 13 au 17 juin à Genève avec plus de 50 organisations présentes et une grande manifestation le 14. Et je crois une grande fête aussi. Bah oui, ça va être juste une immense fête de plusieurs jours. Et donc pour vous tenir au courant en fait de tout ça, de tout ce qui est prévu, le communiqué, les appels, etc., etc. Il y a aussi des appels en fait à prêter votre jardin, si voilà, pour accueillir les camarades. Et tous les jet-setters. Et tous les... Les contre-jet-setters. Et donc le lien pour le site internet, c'est nogsetge.noblogs.org. Donc nogsetge.noblogs.org. Ok, donc on se retrouve du 13 au 17 juin à Genève pour mettre le feu au lac. Marie a rigolé. Ah. Très bien. En tout cas, sourit.